tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Ménopause pour tout le monde, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a la fameuse horloge biologique et la peur, le dégoût, le mystère ou la romantisation de ce qui n'est qu'une étape parmi d'autres, dont on se demande bien comment elle est apparue et à quoi elle peut bien servir. Alors pour commencer, les personnages. Une sociologue qui lève le secret, un anthropologue pionnier, une historienne qui a creusé loin, une autrice qui s'est prise pour une orque, une philosophe qui décrypte, une anthropologue qui décode et des orques. Ensuite, le décor. Les livres, la mer, les tabous, la préhistoire, l'évolution, la médecine, la misogynie du 19e siècle, l'antiquité, des différences culturelles et une expédition en kayak. Aujourd'hui, deuxième épisode, un petit cours pour commencer. Hello my Minnow students. Welcome back. It's time for another menopause tutorial. Dans une recherche précédente, j'avais travaillé sur les femmes dans la franc-maçonnerie. Ce que je remarquais, c'était qu'elles entraient en franc-maçonnerie à partir de la cinquantaine. Et elles évoquaient trois choses. Le départ des enfants du foyer, une carrière professionnelle qui était déjà bien avancée et la ménopause. Pour rencontrer des femmes qui acceptent de me parler de leur ménopause, ça a été très compliqué. Tandis que quand j'avais cherché à rencontrer des femmes franc-maçonnes, j'avais eu absolument aucun problème. Finalement, la ménopause, elle m'a paru plus secrète qu'une société secrète. Ah, c'est drôle ça. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Les femmes sont des orques comme les autres. Des quoi ? On a l'habitude de découper l'histoire du féminisme en grandes vagues. Moi, je préfère utiliser la notion de bataille. Bataille du vote, de la procréation, de la famille, du travail, du genre. Et la toute dernière, celle que j'appelle la bataille de l'intime, qui a débuté, selon moi, au début des années 2010. Camille Froide-Vaumétry. Et qui se manifeste par... philosophe. Comment dire, une dynamique assez intense de réappropriation par les femmes de leur corps, notamment les organes génitaux féminins, le clitoris au premier chef, mais aussi le vagin, la vulve, etc., qui avaient été à peu près totalement laissés de côté depuis 2 ou 3 décennies après que le grand moment paroxystique des années 70 ait été passé. Par certains aspects, on demandait aux femmes de faire comme si elles n'avaient pas de corps. Et on l'a bien vu dans les années 80-90, hein, les femmes qui conquéraient les bastions masculins les uns après les autres le faisaient justement en faisant quasiment abstraction du fait que, par exemple, elles avaient des enfants, qu'elles avaient leurs règles, etc. Et les féministes ont réalisé qu'elles ne s'étaient pas suffisamment souciées de porter la revendication de liberté et d'égalité sur le terrain de l'intime. La ménopause, c'est précisément un des chantiers de cette bataille de l'intime. C'est un des sujets, je crois, peut-être les plus tabous encore que les règles, plus tabous encore que tout ce qui concerne les organes génitaux eux-mêmes. C'est un tabou puissant, particulièrement puissant, je crois, parce qu'il est partagé. C'est-à-dire que non seulement les hommes ne veulent pas en parler, évidemment, mais les femmes elles-mêmes ont eu longtemps énormément de mal à en parler, même entre elles, et encore plus de mal simplement à réfléchir la condition, en quelque sorte, de la femme ménopausée. Ah d'accord, donc c'est en train de changer. Moi, j'ai même l'impression qu'on en parle un peu partout maintenant de la ménopause. C'est un peu comme le clitoris, c'est devenu à la mode. Sauf qu'on ne peut pas la représenter en 3D, la ménopause. Ceci dit, on pourrait faire des badges ou des tote bags avec des jeux de mots féministes, ça pourrait très bien marcher. Mais c'est pas le sujet. Alors la ménopause, c'est vrai que c'est à la mode, oui, mais pas partout et pas pour tout le monde. Et puis, une fois qu'on a dit ménopause, d'abord, tout le monde ne sait pas que c'est l'arrêt de l'ovulation et la fin de la sécrétion des œstrogènes. Et puis, si on dit qu'elle est effective après 12 mois consécutifs sans règles, elle peut mettre plusieurs années à s'installer. Des années parfois accompagnées de symptômes divers et variés, ou de rien du tout, ça dépend des femmes. Bref, souvent, on ne sait pas non plus comment le mot est né, et ce que ça recoupe, et à quoi ça se rattache d'un point de vue anthropologique. Et du coup, ce que je me demande, par exemple, c'est comment s'est apparue la ménopause. Parce que je ne vois pas la logique du point de vue de l'évolution. Pourquoi laisser s'installer quelque chose qui limite la reproduction? Ça n'a pas de sens. Et en plus, il paraît que ça n'a rien à voir avec l'augmentation de l'espérance de vie. La ménopause, c'est un paradoxe du point de vue de la théorie de l'évolution. Carla Aimé-Jubin, chercheuse. C'est un paradoxe parce que, normalement, la base de la théorie de l'évolution, c'est que les caractéristiques qui font qu'on va plus survivre, plus se reproduire, donc plus avoir de descendants, font qu'on transmet davantage nos gènes, et ces caractéristiques, comme elles sont dans nos gènes, elles deviennent plus fréquentes. Alors du coup, c'est un peu contre-intuitif au premier abord de se dire que parce qu'on arrête de se reproduire à un moment de la vie, on va pouvoir plus transmettre nos gènes. Et pourtant, c'est pour ça que la ménopause existe. Elle a été sélectionnée parce qu'elle permet de plus transmettre nos gènes. Mais du coup, c'est assez paradoxal. Il y a des chercheurs qui ont essayé de voir si la ménopause existait chez les autres primates, qui sont très proches de nous génétiquement. Et a priori, non. La ménopause n'a pas été démontrée chez les autres primates. Donc elle a apparu, a priori, deux fois dans l'évolution, chez nous et chez certains cétacés. La baleine pilote, l'orque... J'ai commencé à rêver d'orques. Au début, c'était des petits veaux de mer, et puis elles sont devenues de grands mammifères marins qui évoluent dans ma tête endormie. Elles apparaissent dans des endroits incongrus. Je vois passer une haute et fine nageoire dorsale dans la rivière de l'Ouer, ou tout un groupe qui bondit dans un lac où j'ai l'habitude de nager. Une nuit, j'étais réveillée par des bouffées de chaleur. Mais on ne dit tellement rien sur la ménopause que je ne savais même pas ce que c'était. Darcy Steinke, autrice. Ce que j'entendais dessus était hyper négatif. J'ai commencé à chercher des trucs qui pourraient m'aider. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un article de New York Times qui disait que les deux seuls créateurs qui vivent la ménopause, ce sont les femmes et les orques. Et l'idée m'a complètement emballée. Après leur ménopause, les orques femelles deviennent les leaders de leur communauté. Elles aident le groupe, c'est elles qui savent où trouver le poisson. Elles aident à la formation des couples ou elles s'occupent des plus jeunes. Bref, elles font tout le boulot. Ça a été la première description de la ménopause qui m'a vraiment aidée. L'idée que ça pouvait être une nouvelle étape de la vie qui pouvait aller avec une forme de pouvoir. C'était plus cette sorte de maladie qui fait de vous une vieille sorcière décavée. Dans d'autres rêves, les orques sont minuscules et elles nagent dans mon bol de soupe. Parfois, elles sont gigantesques, mais liquides. Elles s'écoulent comme de l'huile au-dessus du toit de ma maison de Brooklyn. J'en retrouve même certaines comme encastrées dans mon lit. Et là, dans une intimité presque obscène, je suis confrontée à la réalité de leur corps. Flash Count Diary, Darcy Steinke. Les théories les plus répandues sur les origines de la ménopause affirment que c'est une adaptation. Les études consacrées aux chasseurs-cueilleurs ont montré qu'une famille avec des enfants en bas âge ne peut pas produire assez de calories pour se nourrir. Elle a besoin de l'aide et de l'apport d'autres personnes pour survivre. Eh bien, tout ce travail supplémentaire doit bien être fait par quelqu'un. Suzanne Materne, historienne. Grâce à cette période de ménopause, comme on ne doit plus se consacrer à porter des enfants et à les materner, on peut l'utiliser pour produire ou pour aider les autres à se reproduire davantage et à se débrouiller mieux. On peut l'utiliser pour la science, pour la culture, la technologie, pour inventer, mais aussi pour enseigner ou acquérir de nouvelles techniques. Par exemple, quand on évolue dans des environnements vraiment hostiles, comme ceux du paléolithique, cela demande beaucoup d'adaptations techniques, comme des vêtements ou des structures pour habiter. En fait, je crois que c'est grâce à cette période de ménopause qu'on a pu devenir une espèce aussi technique et culturelle. Une espèce où la culture fait pour une grande partie de ce que nous sommes. Cette hypothèse scientifique que j'évoque, l'hypothèse de la grand-mère, elle a été développée par Christine Hock à l'Université de l'Utah. Si c'était que l'hypothèse de la grand-mère, on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'espèces qui aient la ménopause. Toutes les espèces chez qui il y a des groupes sociaux avec au moins 3 générations. Du coup, il y a une autre hypothèse. Alors, c'est pas évident d'expliquer, mais l'idée, c'est que chez l'humain, on a une particularité. Pour extraire des ressources de notre environnement, pour produire des ressources, pour pouvoir se nourrir, survivre, etc., on ne compte pas que sur notre condition physique, on compte aussi beaucoup sur notre cerveau. Or, notre corps investit des ressources pour le développement du cerveau, quand on est jeune, ça va faire un bénéfice qui va s'accumuler tout au long de la vie. Plus de connaissances, plus d'expérience, mais le pic de condition physique, il est autour de 20, entre 20 et 25 ans. Mais même après ça, on continue à pouvoir prendre des ressources dans notre environnement parce qu'on peut encore compter sur nos capacités cognitives. Ça ferait que les personnes âgées sont plus productives. Ça fait un surplus de ressources qu'on peut utiliser soit pour se reproduire, soit pour aider les enfants et les petits-enfants. Et là, on rejoint l'hypothèse de la grand-mère. Alors justement, Carla Aimé Jubin, quand on observe les orques, est-ce que ça confirme les hypothèses au sujet de la ménopause chez les êtres humains ? Il y a des projets en cours, hein, c'est pas mal en cours d'étude, le cas des cétacés pour la ménopause. Mais pour l'instant déjà, intuitivement, enfin en termes d'hypothèse, ça paraît assez probable que ça fonctionne de la même façon. Parce que notamment chez les cétacés, on a les femelles âgées qui ont encore un rôle important dans le groupe social. Elles vont notamment servir de guide au groupe pendant les migrations, par exemple. Donc elles ont encore quelque chose à apporter d'important pour la survie à leurs descendants. J'ai fini par devenir complètement obsédée par les orques. J'ai commencé à tout lire sur elles et à rencontrer des scientifiques. J'ai même fini par prendre l'avion pour me retrouver sur un kayak à essayer d'en voir en liberté. Et je les ai vues. Ce que je voulais, c'était en voir une en particulier qui avait 105 ans. C'était Granny. C'était la leader de son groupe. Et même elle, j'ai réussi à la voir et ça m'a coupé le souffle. Je sens mon pouls s'accélérer, mon cœur battre dans ma poitrine. Deux orques font surface à 30 mètres de nos kayaks. Leurs taches oculaires sont si blanches qu'elles rayonnent. Leurs nageoires dorsales s'élèvent dans l'air et leurs évents soufflent chacun à leur tour. Je vois plusieurs orques sous nos bateaux. Leur ventre blanc glisse dans l'eau translucide et verte. Et soudain, juste devant moi, je vois un œil brun qui me fixe comme une extension brillante et transcendantale de son corps immense. C'est Granny. Dans les sociétés agricoles sédentaires, c'est plus variable. Mais il y a un système assez typique où les femmes plus âgées sont en quelque sorte les maîtresses de maison ou les patronnes. Suzanne Matern. Dans ces sociétés, les hommes sont les garants de la propriété et les hérites des terres. Même si ce n'est pas systématique, les femmes, elles, quittent leur foyer pour se marier et emménagent dans les maisons de leur belle-mère. Et la belle-mère, à ce moment-là, ne fait plus d'enfants et elle est devenue en quelque sorte la patronne du domaine. En fait, il faut comprendre qu'elle a désormais 20 ans d'expérience. Elle sait comment tenir une ferme et la rendre productive, ce qui est très difficile. Alors son boulot désormais, ce n'est plus de produire des bébés, mais c'est d'assumer sa position de leader et de superviser. C'est un peu l'âge d'or de la vie d'une femme, quand elle arrête d'être une épouse exploitée et qu'elle peut commencer à donner des ordres. Et je suis certaine qu'elle aussi me regardait. Avec un regard qui disait « Mais bon sang, mais secoue-toi ma vieille, qu'est-ce que tu fous ?» Darcy Steinke. De me trouver moi face à cette chef orque qui se démène pour nourrir son clan, ça m'a profondément marqué. C'était comme une image parfaite de ce que c'est de diriger. Et de voir un leader de cette trempe, ça m'a vraiment inspiré. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est vraiment de guider ou de diriger? Est-ce que finalement, ce n'est pas faire ce qui est le mieux pour sa communauté et de la solidifier, de lui fabriquer un monde meilleur? Je me sens à la fois comblée et épuisée. Arrivée à l'hôtel, j'ai besoin de partager mon expérience, alors j'appelle des gens pour raconter. Mais à chaque fois que je raconte ce qui s'est passé avec cette immense créature noire et blanche, je ressens comme un sentiment de perte, comme si je banalisais ce que j'ai vécu, comme si je faisais de cette rencontre une sorte d'aventure. En fait, à chaque fois que je qualifie ces orques de vibrantes, de musculeuses ou d'immenses, elles deviennent des objets séparés de moi. Alors que ce que j'ai ressenti, c'est précisément une dilatation de moi-même. Plus tard, j'apprends que cette expérience est surnommée « orchasme » par les marins du coin. Un orchasme. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais donc, en gros, les orques ménopausés deviennent un peu les chefs de la meute, qui savent tout mieux que les autres. Et si on regarde dans certaines sociétés agraires, là aussi, la belle-mère est un peu la patronne. Donc, sans devenir un tyran domestique ou une caricature de vieille sage qui consulte sous son chêne, on pourrait quand même un peu légitimement s'imposer à la table et faire profiter les autres de notre expérience. En fait, ça paraît logique. Mais alors, comment la femme ménopausée a pu se faire une aussi mauvaise réputation? Je veux dire, à quel moment ça a mal tourné dans l'histoire? Et puis, par exemple, ils en disaient quoi de la ménopause dans l'Antiquité? Il ne semblait pas y avoir de mots pour la désigner. Et ce n'était pas non plus un sujet dans la médecine grecque. En fait, pour la plupart des systèmes médicaux traditionnels, ça n'avait vraiment aucun intérêt. En approchant de la cinquantaine, ce que j'entendais autour de moi, c'était des histoires de personnes qui traversent péniblement la ménopause, qui la redoutent et qui souffrent. Alors je me suis demandé, quand est-ce que la ménopause est devenue un problème ? Dans le cours de la vie, les septièmes années sont dangereuses et on les appelle climatériques. Parmi ces années, les astrologues ont estimé que les unes étaient plus dangereuses que d'autres. De nombreux auteurs ont exprimé l'opinion qu'il y avait une année climatérique plus critique qui résulte de 7 fois 7 ans, la 49e année. La notion de climatère, elle vient de l'Antiquité et de la théorie pythagoricienne, elle désigne en fait un moment de crise. Cécile Charlap, sociologue. Cette crise du climatère, elle vaut pour les deux sexes. Femmes et hommes sont au même titre touchés par les transformations et les risques liés au vieillissement. Tandis qu'une année climatérique, issue de la multiplication de deux nombres, 7 fois 9, se situe à 63 ans. Et certains peuvent bien dire que cette année est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle touche à la fois au corps et à l'âme. Sensorinus, de Di Natali. La cessation des menstrues, donc on en a quelques mentions dans des des traités antiques. Et Albert le Grand évoque directement la cessation des menstrues au XIIIe siècle dans son Secret des femmes. Et il évoque en fait les effets dangereux de la cessation des menstrues, puisqu'il y aurait donc rétention de sang à l'intérieur du corps. À cette époque-là, le paradigme d'explication du corps, c'est la théorie des humeurs. Quatre humeurs constitutives, hein, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Et l'équilibre et la santé dépendent de l'équilibre entre ces différentes humeurs. Et donc les menstruations, elles sont vraiment une sorte de garantie de l'équilibre du corps féminin. C'est pour ça que les médecins vont penser la ménopause comme une rétention toxique, en fait, hein, pour les femmes. La douleur, les peines, les chagrins, les maladies de tout genre naissent avec l'homme et l'accompagnent jusqu'au tombeau. Ce n'est point assez d'étendre leurs ravages sur lui, il faut que sa compagne soit plus accablée que lui-même. De nouvelles inquiétudes l'attendent lorsqu'il faut qu'elle perde le signe de cette fécondité qui lui a déjà coûté si cher. De grands dangers précèdent, accompagnent, suivent la cessation de cette fonction. Et c'est sans doute ce qui a donné lieu à la dénomination d'âge critique. Ainsi, par une condition aussi affligeante qu'inexplicable, ce sexe, destiné à faire le bonheur de l'homme, trouve dans le bienfait de la reproduction les principales causes de sa perte. Charles de Gardanne, 1821. Allô, vieille imperfecte, vieille, il vous faut sortir. Vous êtes si infecte qu'on ne peut sentir. Sortez à la palette, filez cette maison. Bravez le faisceau de la vieille, bravez le faisceau. Bravez le faisceau de la vieille, bravez le faisceau. La cessation des menstrues va être l'objet d'un intérêt nouveau au XVIIIe, dans ce contexte des Lumières, du développement de la science naturelle et de l'entreprise de catégorisation des êtres et du monde. On voit se développer les traités des maladies des femmes et un intérêt nouveau donc pour la question de la cessation des menstrues, qu'on appelle alors âge critique ou moment orageux. Et en fait, à la fin du 19e, on va avoir l'idée que les sexes sont binaires déjà et opposés. Qui va vraiment émerger, c'est cette pensée d'une biologie spécifiquement masculine, d'une biologie spécifiquement féminine. Et c'est en France qu'un médecin, Charles de Gardanne, a proposé ce terme de ménopause. Daniel Delanoé, anthropologue. Ménos, c'est les règles, pausie, c'est l'arrêt. Et en créant ce néologisme, il a créé la chose. C'est-à-dire, c'est devenu une entité médicale susceptible après d'être responsable de tout un tas de troubles. Et ce mot s'est répandu dans le vocabulaire savant de toutes les langues européennes dans les années qui ont suivi. Gonflement inflammatoire des articulations, apoplexie sanguine, phlegmon, hémophtysie ou crachement de sang, ronclef, ptoriasis, nymphomanie, ulcère cutané ou fureur utérine, pica, scrofule ou goût dépravé. On pensait que le sang qui n'était plus éliminé restait à l'intérieur du corps féminin, ce qui provoquait une pléthore responsable de maux de tête, de maux d'estomac, de toutes sortes de maux, de vapeurs, d'hystérie. Et donc on faisait des saignées, on faisait des fumigations devant la vulve aussi pour faire redescendre l'utérus. Là c'était aussi un modèle plus hippocratique où l'utérus était considéré comme un petit animal qui se promenait dans tout le corps, allait dans le cerveau, sur l'estomac et cherchait du sang. Prurite, hématurie, métrite, pissement de inflammation de la matrice, rétention d'urine, ménorragie, épilepsie, rhumatisme, hypochondrie, hystérie. Ce terreau-là va nourrir l'idée d'une constitution physiologique des femmes plus faible, plus tournée vers la reproduction et plus pathologisée que la constitution masculine. Et puis, au XXe siècle, c'est une nouvelle perspective qui va se développer, qui est la perspective hormonale. Et en fait, dans la perspective en termes d'humeur, la ménopause, elle est pensée comme cause de pathologie. Dans la perspective hormonale, on explique la ménopause comme une carence en hormones et on va proposer des traitements pour pallier la carence hormonale. Mais quoi qu'il en soit, il est important de replacer dans le contexte médical de l'époque l'idée de ce soi-disant syndrome de la ménopause. À ce moment-là, tout est affaire de syndrome. L'hypochondrie en est un, la mélancolie en est un autre. C'est dans ce contexte de l'invention des syndromes qu'il faut considérer celui de la ménopause. Les médecins qui écrivent à propos de la ménopause, la relie à ces syndromes. Ils vont dire que certains des symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur par exemple, sont perçus comme hystériques. La ménopause est aussi reliée à la mélancolie, à la chlorose et à tous les autres syndromes qu'on a évoqués. Et ce qui est intéressant avec ces syndromes, c'est que désormais, ils ne sont plus diagnostiqués. Ils ont en quelque sorte disparu au tout début du XXe. La ménopause est le seul qui ait subsisté, le seul dont on parle encore comme d'un syndrome médical. D'accord, donc en fait, en un siècle, on est passé de ménopause nulle part à ménopause partout. Tendance hystérie, option mélancolie. Et finalement, grand seigneur, on nous a fait grâce de l'hystérie. Mais la ménopause, non, hein, ça, pas question, on la garde. Il ne s'agissait pas non plus de libérer les femmes d'un coup comme un troupeau de poneys sauvages dans la prairie. Mais du coup, la question, c'est de savoir pourquoi c'était intéressant et puis pour qui c'était intéressant de garder la ménopause. Moi, je crois que c'est parce que ça sert des visées sociales. Et particulièrement dans une société qui se modernise. Devenir une société moderne, c'est donner plus de pouvoir aux femmes. Et ça, ça fait peur à certains. C'est très utile d'avoir sous la main une idéologie qui dit que les femmes qui vieillissent n'ont pas toute leur tête, qu'elles sont hystériques, émotives ou qu'elles perdent la mémoire. Et comme par hasard, c'est aussi tout ce qu'on dit de la ménopause et c'est vraiment très pratique. Voici votre tenue de route hebdomadaire en collaboration avec la prévention routière. Alors aujourd'hui, un problème exclusivement féminin. Est-ce que oui ou non, docteur Samy Lévy, la ménopause peut avoir des incidences sur le comportement physique d'une conductrice? La plupart du temps, elle a certaines conséquences parce que on sait très bien que c'est une période très critique chez la femme. La plupart des femmes se font soigner pour tel ou tel trouble. Dans les principaux, surtout, je suis persuadé, doivent gêner la conduite. C'est-à-dire les fameuses bouffées de chaleur que la plupart des femmes connaissent. Et certaines femmes, elles deviennent même parfois invalidantes. Alors qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence pratique du point de vue de la conduite? Pas mal de minutes d'inattention, parce que très gênée. Et on sait très bien que sur une autoroute ou une route où les voitures vont à vive allure, la moindre inattention peut être extrêmement dangereuse. 1989, ah oui, quand même. On revient de loin. Enfin, on n'est pas rancunière, quoi. Ou alors on oublie vite. On a oublié d'ailleurs que dans les années 60, il y avait des femmes qui, au moment de la préménopause, se faisaient enlever l'utérus et le col de l'utérus. Elles appelaient ça la totale. Et bizarrement, ça aussi, ça a un rapport avec la ménopause. Ce dont je me suis aperçue effectivement, c'est que ces femmes ne considéraient pas du tout la totale comme étant une mutilation, mais bien au contraire, d'une certaine façon, attendez cette intervention, voire la rechercher en lisant les symptômes dans leur propre corps. Véronique Moulinier, anthropologue. Face à cette situation, ces femmes allaient consulter le médecin et elles avaient d'une certaine façon déjà posé le diagnostic en disant « Écoutez, c'est la ménopause, il faut m'opérer. » Sous-entendu, il faut procéder à la totale. Et cette perspective loin de les affoler, puisqu'au fond il s'agit d'une mutilation, elle l'attendait avec beaucoup de quiétude et comme un véritable soulagement. Elle le disait d'ailleurs elle-même, « Ce coup-ci, je suis débarrassée ». C'est ainsi que se traduisait cette opération sur leur corps. Être débarrassée, oui, mais débarrassée de quoi ? Et l'on voit qu'au fond, la totale, donc l'hystérectomie, débarrassait les femmes de ce risque de grossesse tardive qui pourrait être scandaleuse, mais au-delà du scandale, qui pourrait, d'une certaine façon, gêner leurs filles dans l'acquisition de leur propre fécondité. L'enjeu de la ménopause chez les femmes, c'est aussi, d'une certaine façon, la fin de la fécondité, mais aussi la fin de la sexualité. Par exemple, elle disait, bon, mais passé un certain âge, j'ai mis le sabot dans le lit. Qu'est-ce que cela signifiait ? C'est que passé un certain âge, les femmes imposaient à leurs époux l'abstinence sexuelle. Mais pourquoi ? Alors en fait, l'enjeu, on le découvrait, les propos de mes interlocutrices, ils n'étaient jamais clairement formulés. Mais il apparaissait au travers de scandales ou de conduites considérées comme scandaleuses de certaines femmes. C'était que mère et fille soient enceintes en même temps. Voir que la mère donne naissance à un enfant après que sa fille ait eu un premier enfant. En fait, dans ce système-là, les générations se brouillaient. En réalité, on touche là à une question fondamentale, à savoir que entre mère et fille, le pouvoir génésique doit circuler. Deux générations ne peuvent pas en user en même temps. Mais c'est bien ce que nous dit le conte du petit chaperon rouge. Avec le petit chaperon rouge, tel que l'a analysé Yvonne Verdier, qui en fait consomme le sang de sa grand-mère. Tiens, ma petite, porte ça à ta mère, ce fromage et cette pompette. La petite prend le fromage et la pompette, elle passa dans le bois, rencontra le loup qui lui dit « Où vas-tu, ma petite ?»« Je m'en vais vers ma mère. »« De quel côté passes-tu pour t'en aller ?»« Je passe du côté des épingles. »« Et vous ?»« Je passe du côté des aiguilles. » Le loup se mit à courir le premier et alla tuer la mère et la mangea. Il en mangea la moitié, mit à cuire l'autre moitié et s'alla coucher dans le lit de la mère. Quand la petite entra dans la maison, le loup était dans le lit de sa mère. « Vous êtes malade, ma mère ?»« Oui, je suis bien malade. Il y a de la viande sur le feu et du vin sur la table. » Le sang de la mère, le loup l'avait mis dans une bouteille. Il lui dit « Mange de la viande, il y en a dans l'oule. Et il y a du vin sur la table, tu en boiras. » Fricon fricasse le sang de ta grand'asse, fricon fricasse le sang de ta mérasse. Suivant qu'elle mangeait, fricon, fricasse, il y avait une petite chatte qui disait « Pue salope qui boit le sang, qui mange la chair de sa grand-mère. » En s'inspirant d'un certain nombre de différentes variations du conte, et pas seulement la version la plus connue, elle montre qu'il y a une équivalence anthropologique entre la mère et la grand-mère. Donc là, mère grand qui ne voit plus clair, c'est sans doute qu'elle porte des lunettes, mais ça veut dire aussi qu'elle ne voit plus. Et je me rappelle avoir donné une formation à des médecins généralistes en Normandie qui me disaient parfois il y a une femme de 55 ans, 50 ans qui vient les voir qui, en leur disant « Docteur, je ne vois plus. Docteur, je ne vois plus. Ben, je vous envoie chez l'ophtalmo. Non, non, c'est pas ça, docteur. Je ne vois plus mes règles. » Donc cette femme qui ne voit plus clair, elle représente la femme qui n'a plus ses règles. Le petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère, c'est une fille qui accède à la puberté. Elle va voir le loup. Le loup s'est déguisé en grand-mère et il y a une version très intéressante où le loup a coupé le sein et différents organes génitaux de la grand-mère, les seins, les tétines, et elle dit au chaperon rouge « Fricasse les tétines, les tétons de ta grand-mère et mange-les ». Donc il y a une incorporation des attributs génésiques de la grand-mère qui, elle, n'a plus son sang et elle va la voir. Fricon fricasse, le sang de ta grand'asse. Fricon fricasse, le sang de ta mérasse. Donc la morale de l'histoire, si vous voulez, c'est qu'il y a une seule femme par génération qui, au foyer, qui peut être fertile. Fricon fricasse, les boudins de ta grand'asse. Fricon fricasse, les tétons de ta mérinasse. Alors on comprend mieux pourquoi, dans une société où il n'y a pas de contraception, la totale a pu connaître un tel succès. C'est qu'elle ne faisait en somme que médicaliser une pratique sociale bien plus ancienne. La femme quinquagénaire qui désire un homme plus jeune qu'elle, elle peut potentiellement désirer et faire l'amour avec un homme qui aurait l'âge d'être son fils. Ça, c'est évidemment une grande angoisse psychanalytique liée à tabou de l'inceste, mais il y a quelque chose avec cette idée que une femme qui ne peut plus procréer, qui ne peut plus être mère, elle devient quasiment automatiquement grand-mère, ou en tout cas, elle doit vivre en tant que telle. Et une grand-mère, ça ne fait pas l'amour. Ben si, en fait, hein, ça fait l'amour, une grand-mère. Et la ménopause, d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'on se métamorphose en vieille licorne somnolente anesthésiée du désir. Ou en tout cas, c'est pas une obligation. Et puis en fait, entre les endroits qui ne connaissent pas la ménopause, ceux qui la perçoivent autrement et ceux qui l'ont adoptée, il y a toute une archéologie assez instructive à faire. Par exemple, en Chine, on peut dater l'arrivée de la notion de ménopause. En 1964, on trouve pour la première fois un chapitre qui y est consacré dans la deuxième édition du livre officiel de médecine traditionnelle chinoise de gynécologie recommandé par le gouvernement maoïste. En japonais traditionnel, l'idée de ménopause n'existe pas. Je pense aux travaux de Margaret Locke sur le Japon d'avant les années 90 qui montrent que la notion de bouffée de chaleur n'existe pas et que la fécondité dans les représentations japonaises, c'est pas comme en Occident où la fécondité et l'enfantement finalement est circonscrit à l'accouchement. Dans les représentations japonaises, c'est aussi le fait d'élever un enfant qui entre en compte dans la question de la reproduction. Et ce que montre Locke, c'est que les Japonaises, à la cinquantaine, soixantaine, elles sont encore dans un temps fertile, puisque c'est un moment où elles vont avoir élevé les petits-enfants. Au début, on pensait que les femmes qui vivaient bien la ménopause n'avaient pas de symptômes. En fait, c'est pas si simple. On peut vivre la ménopause bien et avoir quand même des symptômes. Cette vision psychosomatique s'est révélée pas pertinente. Margaret Locke, à l'université McGill de Montréal, qui a fait une grande enquête au Japon, qui a montré que les femmes avaient 12% de bouffées de chaleur au lieu de 40% dans les deux semaines passées au Canada. Donc il y a des facteurs soit génétiques, soit alimentaires. On a beaucoup parlé du soja. L'alimentation au soja ou l'imprégnation de soja dans la vie intra-utérine. En tout cas, au niveau de la symptomatologie, c'était très différent et elles avaient des symptômes que n'avaient pas les femmes du type occidental, une ankylose de l'épaule, sensation d'avoir des fourmis sur la peau. Donc il y avait des signes en effet très, très différents. Chez les femmes mayas contemporaines, probablement pour des questions génétiques, elles n'ont aucune bouffée de chaleur. Donc ça varie selon, Margaret Locke parle de biologie locale, qui sont le fruit de l'interaction entre la biologie et la culture. Bayini's study of the Maya in, and I think it's called From Menarche to Menopause. Je crois que le titre du travail de Yehudar Bayini sur les Mayas était Des ménarches à la ménopause. She lived with Maya peasant women for a year or so. Cette recherche l'a amenée à vivre une année avec des agricultrices mayas, au cours de laquelle elle a découvert que quand elle leur parlait de la ménopause, pour elle c'était difficile, parce qu'elle ne savait pas vraiment de quoi elle leur parlait. So again, this is a situation where everybody knew that women stop reproducing. Et donc encore une fois, on a une situation où évidemment tout le monde sait que les femmes arrêtent de se reproduire au moment de la maturité, et ces femmes avaient d'ailleurs leurs propres explications pour ce phénomène. Mais en revanche, il n'existait pas un concept de ménopause, un syndrome ou l'idée que la ménopause a des effets sur la santé, ou même sur la sexualité. Elle a trouvé, par exemple, qu'il n'existait pas de mot pour en parler, et pas non plus de mot pour dire bouffée de chaleur. Mais on voit que chaque société construit ce statut. En Afrique subsaharienne, par exemple, ça a été décrit en Afrique de l'Est, une femme qui arrive à la ménopause, qui n'a pas eu d'enfant pour cause de stérilité cette fois, peut se suicider. C'est-à-dire qu'on voit bien l'assignation totale à la fonction de reproduction. Et c'est vrai que dans les sociétés traditionnelles, la femme stérile n'a aucune valeur. À l'inverse, les femmes accèdent, chez les lobbies en Afrique de l'Ouest, elles peuvent devenir devineresses, mais elles n'ont pas les protections qu'ont les hommes qui sont devins. Donc même quand elles peuvent se mêler comme ça au cercle masculin, ce n'est pas toujours en situation d'égalité. Daniel Delanoë, dans votre livre, vous évoquez la question du Pérou et vous parlez d'un phénomène qui s'appelle le nervios. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors le nervios, ça fait partie de ce qu'on appelle en anthropologie les syndromes culturellement déterminés. C'est des femmes qui arrivent à la ménopause et se plaignent de différentes choses, notamment de pouvoir faire des crises de colère, de perdre tout à fait le contrôle d'elles-mêmes à ce moment-là. Et c'est redouté. Et donc, pour qu'elles ne fassent pas ces crises, elles peuvent exiger beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on est au petit soin avec elles, en somme. Et elles peuvent exiger d'aller voir leurs copines, d'aller pouvoir boire un thé ou un maté avec leurs amis, se déplacer et tout ça, en mettant en avant cette susceptibilité à des crises. Mais ça a une fonction, justement, de se libérer du cercle de contrôle masculin. La femme qui décide de prendre le deuil pour toujours quitte son rôle d'épouse pour embrasser celui de grand-mère. Elle s'attache les cheveux et se les couvre d'un châle, le fazzoletto. Les hommes y reconnaissent le signe qu'il n'est plus question de lui faire des avances, ni même de lui adresser familièrement la parole, même si elle marche lentement dans la rue ou s'assied sur un banc. Le noir la libère en lui permettant de rester invisible. Alors Yvonne Verdier avait très bien décrit qu'à la ménopause, la femme accède à une liberté de circulation. Elle peut devenir laveuse, elle va laver le linge, où elle va laver les morts et les nouveau-nés, elle va faire les accouchements. Donc, se déplacer de foyer en foyer, il y a une indivisibilité parfois qui est mise à profit, alors qu'une femme fertile qui se déplace hors du cercle très étroit de l'univers domestique, elle traîne, c'est une traînée, parce que le contrôle sur la reproduction n'est plus assuré. En 1985, en Sicile, j'ai pris le deuil de mon père en m'habillant en noir. J'ai trouvé fantastique, non pas déprimant, d'être libérée des attentions de ces messieurs. Une autre libération extraordinaire a été de ne plus avoir à me demander tous les matins ce que j'allais mettre. Le noir va avec le noir. On n'a plus qu'à penser aux textures, à ce qui compte le plus pour soi. Quand la méditerranéenne jette tous ses vêtements à la lessiveuse pour les teindre en noir, elle accomplit un rite de passage. Elle renonce à un style de vie pour en adopter un autre. Elle pleure peut-être amèrement la fin de sa vie de jeune femme, mais son nouveau statut va lui procurer des privilèges. Elle va pouvoir se reposer davantage. Elle pourra même s'en aller des semaines seule en pèlerinage, voyant ainsi pour la première fois le monde extérieur de ses propres yeux. Germaine Greer, Le Passage, Plon, 1992. Parmi les femmes que j'ai rencontrées, des femmes qui étaient plutôt urbaines, qui occupaient des fonctions en lien avec le public, dans des grandes organisations, ou bien des fonctions d'encadrement, m'expliquaient que, par exemple, les bouffées de chaleur, c'était des manifestations corporelles qu'elles vivaient très mal. Je me souviens d'une enquêtée, Roselyne, ouvrière dans une petite usine de la Beauce qui me disait, bah oui, moi j'ai effectivement des bouffées de chaleur, mais le chaudron que je manie toute la journée est tellement déjà brûlant que finalement, voilà, c'est pas la bouffée de chaleur qui est mon problème. qui me fait dire qu'en fonction des milieux sociaux, finalement, des représentations du corps au sein de ces milieux sociaux, des professions exercées et des enjeux professionnels, la ménopause va être vécue, traitée différemment. Je voudrais que le temps s'arrête pour ne pas me séparer des orques et m'éloigner de Granny. Ma nouvelle position au sein de l'univers a mis mon cerveau en feu, et ce n'est pas un coup des hormones. Je me sens comme la nuit de la naissance de ma fille, après avoir expulsé hors de moi une créature trempée de sel et de sang. Cette nuit-là, j'avais la sensation d'être au centre océanique du monde. Flash Count Diary, d'Arce Steinke. C'est vrai que la ménopause a quelque chose à voir avec une forme de lâcher prise, mais aussi, bizarrement, avec une sorte de connexion avec la nature. Ça peut être les orques ou les arbres, ça peut être aussi la sensation d'être dans la respiration de la mer quand on nage au large. C'est un peu troublant et exaltant, un peu dingue aussi. Et d'ailleurs, d'Arce Steinke le dit beaucoup mieux dans Flash Count Diary. Elle dit ça. Parfois, je me rends compte à quel point j'ai été stupide et humaine de penser que j'avais besoin d'un antidote pour la ménopause. C'est comme de tenter de soigner les orages, les bourgeons de tulipes ou la tombée du jour. Quand j'étais une jeune femme, j'étais guidée par ma biologie. Maintenant, je me laisse remorquer par mon esprit. Et quand je me réveille, dans le noir, irradiante de chaleur, je ne prie pas une divinité du ciel. Mais je m'en remets à la beauté du monde. Je prie le corps, je prie le lac... et je prie l'orque. En fait, l'orque est presque devenu un totem pour moi. Comme si j'avais besoin de cette orque pour m'aider à traverser le passage de la ménopause. Je ne suis pas du genre dingue de nature, au contraire, je suis plutôt une vraie citadine. Mais malgré ça, et progressivement, je suis devenue encore plus obsédée. Je me suis mise à sentir la présence des orques, à sentir leur importance et leur place sur la planète. Mais en fait, c'est juste arrivé comme ça, et je ne m'y attendais pas du tout parce que j'étais vraiment la dernière à qui ça pouvait arriver. Ça m'a rappelé que j'étais aussi un animal, et ça, on l'oublie souvent en tant qu'être humain. Et en fait, maintenant, les orques me manquent beaucoup, mais vraiment énormément. J'ai même un lien Internet sur mon ordinateur qui me permet de connecter en direct avec des hydrophones qui sont plongés là où elles vivent. Et parfois, quand je travaille, je me connecte. Bon, on les entend rarement, mais du coup, quand je les entends, ça m'a mis dans tous mes états. Comme si je pouvais les entendre chanter et s'interpeller dans mon petit bureau de Brooklyn. Ma fertilité continue à grandir. J'ai beau être en train de vieillir, peut-être même de me décatir un peu, mais en même temps, tout le monde sait que la pourriture est source de vie et qu'elle aide à faire pousser de nouvelles choses. Alors je vais devenir une chasseuse-cueilleuse, et je chasserai pour mon groupe, en lisant et en écrivant. Bon, finalement, moi aussi, l'orque, hein, ça m'a fait du bien. Au moins, ça fait un peu rêver, et puis ça fait un point commun avec les orques, et ça, c'est quand même très chic. Mais ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qui explique les différences entre le vécu de la ménopause en fonction de l'endroit où on se trouve? Quelles autres espèces ont la ménopause? Comment ça se passe? À quoi ça leur sert? En fait, c'est comme si on ne s'était jamais vraiment, systématiquement, sérieusement et massivement penché sur la question. En fait, ça n'intéresse pas la recherche, alors qu'il y a plein de pistes. C'est un peu difficile d'expliquer ce qu'est un syndrome culturel. Mais par exemple, on peut observer les syndromes générés par nos corps en réponse au stress, au trauma ou à l'anxiété, comme un motif qui se retrouve à travers les cultures. Par exemple, quand on ressent de l'anxiété, notre corps essaie de répondre à ce qu'on imagine être une menace en nous préparant à faire face à cette menace. On peut avoir mal au ventre ou des difficultés à respirer. On se sent très angoissé, on a du mal à respirer. On peut avoir des palpitations, On peut avoir des manifestations neurologiques, des tremblements, des paralysies, des sensations d'engourdissement aux mains et aux pieds, des sensations de chaleur ou de froid, etc. Et donc, toutes ces manifestations, c'est notre système nerveux qui répond à la menace. Mais ce qu'ils ont tous en commun, ces syndromes culturels, c'est que les symptômes qui sont censés être significatifs sont toujours ceux qui peuvent être amplifiés par l'angoisse, parce que c'est ça qui crée le syndrome. Et je ne veux pas dire que ces symptômes ne sont pas réels, ils existent, et ils peuvent être sévères et nous mettre plus mal, ils peuvent être chroniques. Mais il y a malgré tout ce point de départ culturel et cognitif qui crée le syndrome. Pendant que je faisais mes recherches et que j'écrivais sur la ménopause, j'ai réalisé que la ménopause cadrait parfaitement avec cette description du syndrome culturel. Et je me suis même intéressée aux bouffées de chaleur. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais une bouffée de chaleur, c'est quoi finalement? Mais je crois aussi qu'on a cette certitude que la bouffée de chaleur est reliée à la ménopause. Eh bien, c'est exactement le genre de symptôme qui peut être décuplé en une expérience plus intense que si on n'avait pas cet aspect culturel. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait vivre tout à fait différemment. Désormais, j'ai une vision complètement différente du vieillissement et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse en faire autant. Je me suis sentie plus puissante et plus libre. Enfin libérée de cette construction culturelle qu'on a inventée. En y réfléchissant, je me dis qu'il va falloir que nous inventions un mot pour ça. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ménopause, c'est pause. Voilà, et ça dit quand même quelque chose. Je pense que ça doit fonctionner presque à un niveau subliminal, c'est-à-dire qu'il faudrait s'arrêter. Bon, c'est pas ça qui se passe, c'est presque l'inverse. C'est un moment de la vie où on peut avoir au contraire une forme d'énergie décuplée, notamment parce que, et c'est pas rien, enfin en tout cas moi je le dis d'expérience, effectivement, quand on arrive à la cinquantaine, il y a quelque chose qui ressort avec évidence, c'est s'il y a quelque chose que j'ai pas fait dans ma vie et que j'ai envie de faire, c'est maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je le change, il faut que je le fasse. Et c'est très réjouissant et dynamisant, d'une certaine façon, le fait de savoir que finalement, on n'a plus tant de temps que ça, parce qu'en fait, c'est plus une question d'ailleurs peut-être d'énergie que de temps, mais le fait de prendre conscience de ce que, en effet, l'horizon qui s'ouvre devant nous est un horizon limité, eh bien, ça produit existentiellement un regain, voire un élan, vers ce qui nous reste à faire et ce qu'on a envie de faire. La séquence de vie qui s'ouvre au tournant de la cinquantaine, c'est une séquence qui peut être synonyme d'une forme de renaissance, parce que c'est l'âge d'une, je crois, d'une vraie libération. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Merci à Carla Aimée Jubin, Cécile Charlap, Daniel Delanoë, Camille Froide-Vaumétry, Suzanne Materne, Véronique Moulinier et Darcy Steinke. Et merci aussi à Aline Pénito pour ses sons d'orgue et ses compositions musicales. Lecture de Flash Count Diary par Sarah Chaumette, avec les voix de Clémence Boucher et de Valy. Mixage Philippe Mercher. Les femmes sont des orques comme les autres. Un documentaire de Perrine Kergrand, réalisé par Annabelle Brouard. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avec les orques, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Andropause ton gun, une sombre histoire d'hormones.